j'encaisse. Je nage dans les dollars, je peux pas me noyer dans la hesse. Je suis pas un acteur porno, mais je coûterais bien ces grosses fesses. Tu veux me vendre du rêve, je te ramène dans la réalité. Va tu brûler, les heures posées, la cité, ils veulent la péter. Donc je tape toutes tes conneries, tu te fais péter, les autres en rient. Ils se prennent pour des spartiates, mais ils charrettent chaque nuit. Je prends le silencieux et je les arrose dans leur lit. J'ai pas te raconter de récits, viens vivre un peu dans la hâtésie. Des jeunes portent du suicide, armés de putain de fusils. Ils font tous les marques, mais la plupart retirent en l'air. Ils font peur à nos mères, la compte la chatte à leur grand-mère. Je le king de ma vie, dis-moi pourquoi je vais ravaler tous mes ennemis. J'ai pas besoin de parler, rager, j'ai pas besoin de m'essuyer. On est dur dans les balais, ils pensent qu'à nous juger, ils veulent nous enterrer. Ils veulent nous enterrer, veulent nous oublier, nous cachent dans les clichés. Quenelle à la judo, je pisse dans le ghetto, je fuck tous ces infos. Je fume des gros bédos, je traîne dans le balio, je traîne dans le balio. 13 mars c'est le studio, Blackburn est le bateau. 13 mars c'est le studio, Blackburn c'est mon bateau.